0 0291. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Mon nom est Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble, une heure remplie de musique en téléchargement gratuit. Donc, tout ce que vous entendez à l'émission, bien, c'est possible de télécharger gratuitement. Vous pouvez partager cette musique-là avec vos amis, vos collègues de travail, avec n'importe qui. C'est la musique qui est faite pour ça, donc souvent sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez même certaines pièces remixer, toujours en repartageant sous la même licence. On va débuter cette semaine avec un artiste du nom de Osiris. Je vous fais entendre sa pièce Boiling Yellow Dust. C'est publié sur Fuse Lab. Ensuite de ça, tout de suite après, c'est Zougou avec la pièce Crazy. Ça, c'est publié sur Vatican Records. Donc, on va débuter Web Music avec ces deux pièces-là. On débute avec Osiris tout de suite. We'll be right back. Donc, c'était Zougou avec sa pièce Crazy, donc une pièce au titre assez approprié, un heureux mélange de toutes sortes de trucs, même un peu de death metal au travers, donc une pièce vraiment folle. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Osiris, la pièce Boiling Yellow Dust. C'est Osiris, un artiste qui vient du Connecticut aux États-Unis, qui est publié sur Fuse Lab. Puis Zougou, ça, c'était publié sur Vatican Records, une étiquette de la France, si je ne m'abuse. On va poursuivre Web Music avec MPEX, un artiste qui vient cette fois-ci de la ville de Lisbonne au Portugal. Je vous fais passer la pièce iFando. Ensuite de ça, sur l'étiquette Decorder, je vous fais entendre King Kong Ding Dong, la pièce Hot Train. Donc on écoute tout de suite MPEX à Web Music. Thank you. vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. C'était le groupe King Kong Ding Dong. Ça nous vient de Philadelphie. C'était la pièce Hot Train. Avant ça, publié sur Enough Records, c'était Mpex avec sa pièce Ifando. Mpex qui nous vient de la ville de Lisbonne au Portugal. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez accès à la playlist de l'émission. Vous pouvez télécharger les pièces. Vous pouvez également télécharger la balado-diffusion de l'émission. Si vous manquez des petits bouts, c'est pas de problème. Vous pouvez toujours écouter les émissions précédentes dans votre lecteur MP3 favori. On va poursuivre avec un artiste de la Russie du nom de Inspector. Je vous fais passer sa pièce Somental. Tout de suite après, de la ville de Séville en Espagne, c'est Coroco Bocaito avec la pièce Glitchando qui va passer à Web Music. Donc on écoute tout de suite Inspector. Thank you.

Une pièce assez épique de l'Autrichien Tapires, que c'était la pièce Opus 7. C'était publié sur Laridea. Avant ça, de la France, c'était Électronique Réflexion avec Qu'est-ce que vous fumez? Ça, c'était publié sur Peep. Pour poursuivre Web Music, on va aller du côté de l'Allemagne, un artiste de la ville de Berlin du nom de Audiophile. Je vous fais passer sa pièce When the Day Breaks Up. Publié sur Phonocake, une étiquette de la ville de Dresden en Allemagne. Ensuite de ça, un Écossais du nom de Morphamish qui fait la plupart du temps du hip-hop. La pièce que je vais vous faire passer penche plutôt du côté dubstep. La pièce s'appelle Face the Darkness. C'est publié sur Black Lantern Music. Pour tout de suite, à Web Music, on écoute Audiophile avec When the Day Breaks Up. Let me watch the sun. C'était Morfamish, un artiste de l'Écosse, avec sa pièce Face the Darkness, publiée sur Black Lantern Music. Avant ça, c'était Audiophile, un artiste de la ville de Berlin, avec sa pièce When the Day Breaks Up. Ça va déjà être tout, malheureusement, pour Web Music. On va revenir la semaine prochaine, comme à l'habitude, à compter de 20h. Je vais vous laisser sur une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusic.ca. Vous avez accès à toute cette bonne musique. Donc, on se laisse sur un artiste russe du nom de Plotka avec la pièce Luna Nad Nani. C'est publié sur le netlabel polonais Kunabu. Donc, on se laisse là-dessus et on se revoit la semaine prochaine pour notre émission de Web Music. I'm going to go to the hospital.

seulement au 89.1. Ah, là, pas jeter au lit.